sûr de silo hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver hind à Brezonek. Et on retrouve Henri pour Hent à Brezonek. On approche du chiffre fatidique de 500, mais pas tout à fait. C'est la 499e émission. Comment on dit ça en breton ? Nantega Perugen. Alors aujourd'hui, un mot qui ressemble au français, hein, et qui, c'est normal puisque c'est venu du latin, c'est respon. Respon, hein, qui est à la fois un nom masculin et puis un verbe. Alors, respond, hein, R-E-S-P-O-N-T, hein, donc nom masculin, donc du latin populaire respondere, donc en latin c'est un D, et d'ailleurs en breton, le T final se prononce D. D'ailleurs, il y a des... Ouais, oui, le T final se prononce souvent D en breton, quoi. Et certains voudraient qu'on l'écrive avec un D, ce qui serait plus logique, peut-être que ça se fera un jour, on verra bien. Par exemple, quand on va dire « ne me responde de bête hein, », on entend bien le « dé hein, ». Voilà, je n'ai pas de réponse. Donc, le mot masculin « responde » veut dire la réponse, la réplique hein, ou la riposte. Hein, voilà. « Gotazoran a responde », j'attends la réponse. Hein. Alors, ça peut être une réponse, par exemple, par écrit ou par oral, hein, « respondre script ». Ou respondre gomes. Voilà. C'est parfois utilisé pour dire l'écho aussi, respondre. Qui est un éclair, mais le fait d'entendre l'écho, respondre, hein, la réponse. Et c'est utilisé aussi pour, en chanson aussi, hein, bon, on connaît le canna discant. Hein, un discant, c'est respondre aussi. Hein, voilà, où on répond. Hein. Voilà. Ce serait pas tout à fait la même chose, peut-être. Parce que dans, la réponse est peut-être pas tout à fait la même que la phrase qu'on répète. Hein, c'est, par exemple, dans le ficelle, la réponse est pas tout à fait la même, la partie rapide. La réponse est pas tout à fait la même que ce qu'a fait le canner, quoi. Voilà. Alors, au pluriel, on dit respondent tout, hein, ou respondent chou, hein. Par exemple, on parlait de réponse ou hatkis, les réponses du catéchisme. Hein. Le catéchisme autrefois était basé sur des questions-réponses. Hein. Oui, le Christ, Seigneur, le Rasdou, et voilà. Alors, goulez-nous à réponse ou. Hein. Et ça se fait d'ailleurs dans la pédagogie moderne, c'est des choses qui reviennent un petit peu. Ah ouais. Les questions-réponses, les QCM, des choses comme ça. Voilà. Et alors, ce qui est amusant, des fois, je donne le nom en espéranto, c'est respondo en espéranto, parce que Zamenhof a repris la racine de respondere, donc le latin populaire. Alors, comme je le disais, c'est aussi un verbe, hein, respondre, hein, dont la base verbale est identique à l'infinitif, et le participe passé, responde. Hein. Responde me sedan, hein, je lui ai répondu. Hein. Din responde. Dans la chanson « Ur martel odio »,« Naker ni wakonto dei », il ne respondait. Il avait beau lui parler, elle était embarrassée, la fille, parce qu'elle commençait à se rendre compte que c'était son premier mari qui lui parlait. Donc, elle ne répondait rien. Alors, j'ai trouvé dans un article de Ménard, là, de Martial Ménard, un proverbe aussi, « Peseur power de douloto, maneroïque déant responte de gandinor ». Quand le pauvre se présente à votre porte, si vous ne lui donnez rien, au moins répondez avec honneur. C'était un article paru dans Ouest France en 2010. Voilà. Martial Ménard. On disait aussi, Evel Pocombe vous responde d'art. Comme tu auras parlé, on te répondra. Alors, il y a des mots dérivés, par exemple, responder. C'est celui qui répond à une question. Et tandis que respondant, c'est celui qui répond la messe. C'est pas tout à fait la même chose. Respondeur et respondant, hein, celui qui répond la messe. Voilà. Et il y a aussi on utilise aussi respondeur pour le répondeur téléphonique, la machine qui répond, quoi. Voilà. Et ben, c'est pas mal de finir sur le respondeur. deuxième partie de Henta Brezonek. Brezonek, tom à tom. Oui, alors aujourd'hui, c'est le printemps, et il y a le printemps des poètes. Hein. Donc, je me suis dit, et tous les ans, je parle d'un poète ou d'un autre pour, à cette occasion-là. Et alors aujourd'hui, j'avais envie de parler de Claude Guittorel. Alors Claude Guittorel, c'est un poète, pour moi c'est vraiment un poète. Il écrivait surtout des cantiques, mais il y a des cantiques où il y a beaucoup de poésie. Hein. Et donc c'était un prêtre. Hein. Alors il était né à Saint-Nicolas-du-Pelem le 20 novembre 1843. Et il avait été élevé en partie par son oncle, l'abbé Chélin, qui était recteur de Bonnène. Ce qui a été à l'origine de sa vocation, sans doute. Il a fait ses études au petit séminaire de Plougarnevel, dont il a écrit d'ailleurs l'histoire beaucoup plus tard, en 1899. Et donc, après ses études au petit séminaire, il a été nommé vicaire à Plounévé-Quintin, puis à Lanisquat, et recteur de Pemrite, en Pemrite-Quintin, où nous sommes là aujourd'hui, en 1881. Il n'est resté qu'un an, juste le temps de faire quelques travaux à la chapelle du Lord, et ensuite il est retourné à l'enseignement. Et finalement, recteur de Gouarec en 1898, et il est resté 22 ans recteur à Gouarec. Et ensuite, en 1920, il s'est retiré chez les religieuses de Créhun, où il est mort le 14 janvier 1925. Alors son œuvre littéraire est assez considérable. Par exemple, il a écrit, je l'ai déjà dit, l'histoire du petit séminaire de Plougarnevel, en 1899. En breton, il a écrit Histoire lesen Christen, hein, histoire de la doctrine chrétienne, un peu avant sa mort, et ça, c'était un petit livret qui était destiné aux enfants. Mais son œuvre principale, c'est les cantiques. Alors, heureusement, on peut les identifier puisqu'ils sont signés KG, Claude avec un K et Guittorel, quoi. Dans certains recueils, ils sont signés KG. En particulier, celui de l'évêché de Saint-Brieuc-et-Tréguier de 1924, où il y a la moitié à peu près des cantiques qui sont signés KG, quoi. Donc, il a fait une œuvre considérable. Et des cantiques qui sont devenus des véritables tubes. Hein, alors, il utilisait des airs faciles à reconnaître, faciles à mémoriser, par exemple l'air du Folgoat, des chants latins comme le Laude Mariam, hein, Laudate, Laudate, Laudate Mariam. Alors, il a fait beaucoup de cantiques sur cet air-là. Ou bien des cantiques français de l'époque, hein, qui, eux, ont disparu et dont la mémoire n'est conservée que par le cantique breton, ça arrive souvent. Voilà. Alors, par exemple, dans les cantiques les plus connus, « Inora gloire », sur un air tiré du Barzaz Breiz, hein, « Inora gloire, un vir vitien », voilà. « Kalondus vari », sur l'air de l'Ave Maria de Lourdes, hein. Calondus vari, calond mandoué. C'est un air de carillon de cloche aussi, celui-là. Voilà. Jésus de l'Ardimpedi. Jésus de l'Ardimpedi. Bepreut qui de zirand. Alors, un autre aussi, qui est un cantique de Noël, hein, qui est très connu, hein, Ope Busburzu de Veland. Hein, donc, et puis il a écrit avec un autre alors que j'ai pas réussi à identifier qui signe ARSK. Peut-être que quelqu'un connaît ce nom-là. Donc avec un autre prêtre, il a écrit Salutarisme Varus, qui est vraiment un tube aussi. Voilà. Alors voilà Claude Guittorel. Alors, bien sûr, là, je passe assez vite. Hein. Il y a beaucoup d'images. Hein. C'est une langue qui est très imagée. Et c'était un véritable poète. Hein. Et il a eu une fin de vie. Bon, il est une post-fin de vie un peu curieuse, puisqu'il est mort, donc, j'ai dit, en 1925. Il a été enterré dans le cimetière des religieuses de Créhun. Et en 1944, ils ont décidé de transférer tous les ossements de ces prêtres qui étaient là dans une fosse commune, donc dans le cimetière de la commune de Créhun. Et ils ont prévenu les familles pour ceux qui voudraient récupérer les reliques de leurs proches. Et donc, il y a une nièce de l'abbé Guitorel qui est allée en vélo avec chercher les reliques de son oncle pour les ramener dans le cimetière de Guarec. Et alors, c'était en 1944, c'était pendant l'occupation. À la fin de l'occupation, c'est un peu une période de pagaille. Il y avait les Allemands sur les routes, des maquisards, tout ça. Et elle a raconté cette aventure invraisemblable. Donc elle est allée avec une petite remorque que lui avait prêtée le photographe Gouriot de Saint-Nicolas. Et donc ils ont fait un petit cercueil pour les reliques. Et donc elle a ramené ses reliques. Alors bien sûr, elle était arrêtée à la fois par les maquisards, par les Allemands. Tout le monde se demandait ce que c'était que cet équipage-là. Et donc, ça a été raconté dans les cahiers du Poher, cette histoire-là, quoi. Et donc, finalement, il a été enterré dans le cimetière de Guarec, quoi. Voilà pour Claude Guitorel. Et puis, donc, un nom à retenir. Et puis, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire en plus sur, bien sûr, toute son œuvre. Voilà. Troisième partie, Petezone ve avro heri. Ben, calze dro e vel jus buer vej di ouzan. Krogom de diantan e vel kiz a custum, gandolar bourdouar a gevu e war ar mez. Lansema de neve amz ar breman a presti vo gwel ba parkei ar avro un dud o hard an ur maiz pe a betraves. Jus mat pe gomz an deus a betraves, a breiz ve implije da betraves e vi morg an londet, hein, zout pe un devet, Mais bêta vraiment ne ce que bê de graisse de betterave suc à gouscoudé betterave au plante de ce bord de mort hein puis dire bord de mort avec votre calze betterave gui ag fait bê moyenne d'or betterave suc ebrais ag blanc me jusmat vos hard de betterave suc bah scola bourdouar vender hein le gros chêne bah pondi ag ma 13 noaler vos graisse suc bio Ag gansé ma trezen ben ne bablai o wam vo karvet suc deus betraves bet produye de breizam. Gwell a red, hein, vegel moa komp deus riz, deus guin, benefil ma trezen vo get kalz e draou di rot a zon tam e breiz. Ne veso pe komp zan deus lar bourdoua oa bet em vo nmeur ur syndicat de FNSEA bah Laval ag blanc me wa un dig a trugen vet diabla pudur wa bekrou et babla wer a dowigen syndicat blau en grand c'est wa bekrou et un FNSA À Geblam, bon, une grève de même vous deux, on tombe voir un ton de bras, ma personne. À Geblam, mais bénéfine, ministre là pour douar Stéphane Arfols, au BP, mais il y a un P d'être médigue merval. Puis on ne se gâte d'ivraiser qu'un Wadin pour Chila, non, trop de haine grandé. Ag bon zewande tianta misible me wakter biskable vit potier Stéphane Le Foll bon ag c'est tu pv comme ce des l'arbre doux à roise gwelleran de vogre de homis bazandigouden blombe bourgzandigouden vit canton de calac nugen de ze visest ag assez vos copel vit de rkb or intersadeno bon plusieurs vogrets au Arlan et au Aguet Bapoura, à Blanc, mais vogrets à Bourges en Égouden. Wardash en Endro, vraiment, Calzedrouz au Bop d'un grand herbore, Zitron Varia, Lanayer, Nekouaz Bénéfine, ou Aranque, Pétain Vogrets, puis en herbore, au Nantor Herbore, puis Novo Cogréinibé, puis Tremblant de vos les dents de Nayanaoulet, Bonne Grette vos. Or vota de Vogret va fin miseven. Bon, on ranke pet sa goulen vo goud quand dut, mais de vie d'un tu de Ligue Atlante là, pas vie d'un du de là. Bon, gwelet vo pe sa mot vo kon. Wardash en la politique eros vraiment. Dibab bet sobid au nom les vie de Randvro Neve, Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes. En une cave d'un an d'histoire, un pigeon jaune, grand test, rétervoise, bon, ou à carré de bout quoi le spéré de Vika veut dire. C'est au nom de technocrate, là, bon, avec, rac de, n'est que tombé deux une histoire en dude, hein, bon, avec, Hervé Clay Combs, Hervé Musclève, grande Jacobine, pop de, et non, je suis obédi bab entre internet. Puis Dieu veille grède ou votade ou bromenoir internet. Puis sous n'est que démocrate le temps me bête. Ou en que pis ou ne se vote d'un moyen zodaré de vote au camp de couche. Puis manon yuan. Réel non qu'il y a internet votant. Tu n'as pas bonne trop zode bénéfine. Mais Big Brother, Hawaro, qu'on tombe des grandes trop disent quoi. Va fait que bister de cas de Hanoïo, hein, vie de Rondroyo, hein. Grand Est, Grand Ouest, Grand Sud, Grand Nord, hein, bonne, à mort à Pelzo, quoi. Bonne, c'est ça, trop zone, bien fine. Ou alors que Pium de Zwan de Evo, Guin de ce Grand Est, Guin Bro Alsace, ou Guin, tiens, t'en un cafetine, puis de ce Bro Champagne, ya, mais n'est que Guin de ce Bro Grand Est. Wardash en politique réseau on a fait Hounhois par aux murs Zangwen aux jonges de mon ensemble de régime à Peswan avec vos Nenuan de God Dapo non Gurley Dan mais de par où j'ai plus durement une quiche laine mais de par où j'ai Weltre Wardro ne voulant que c'est voulant que Hef et non Gurley Dan Gand mur, gand zangwen. Hag zo beer tred, gwell a ran zo bet ur pétition war internet, hag bon, war anke pe sa mod vo kont benefin. Bon, dans mon temps, vraiment, war dash en ur zeveladur, échoué quand ur bob, juste en an, quand notre président là, mais ce qu'est fait te passe, hein. Échoué quand ur bob, wan DL bapondi, hag zo bekal ze dud, hein. Ya calze du doigt avec plija du roi bonne guel me son temps me doute contaté nous son eres puis du rond behor andro mon de rond bepla plija radine ag blanc me wa au ne bama de du de conterienne braison de gain ca wa au ne bama de ce Michel Simon wa de ce rostre énorme quoi bon n'est que des de mot quand temps mais contat de rounds ne se grette quoi. Ag c'est tu bonne tram de mode en trou vite quand leur bubble à Bugal et à bonne au hier avec quoi le plan un peu symbole bonne calze draw war ze venature calze draw avec quoi le bavro homme né so Wabedigour de Mirdi Emanerio, bah, Bulat, hag moyen d'antevel, hag zizo pijus, hein. Hendel zo Mirdi, Mirdi Elroas, zo ba Plevin, hein, ba Restelouen, gant Jean Madec, hag zar zo Ebradevel, droas, hag Mirdi Menglas, ve digour, ve genam, zo ba Melkarez, hag bon Hendel Mirdi Eskole, ba Botoa, bon kalz draouzo de vel, ba Vrou. Très grand lasso, ou abed crou de Orstrolat, vid vicard d'Arampred ou Gambroui Werzon, très pur de la rue, une tier gris ta très malgat, hag blanc, bon, c'est au très grand lasso, hag blanc, et belli de tendrasé, a zo bétude de ce broui Werzon, a zo bécal ze bijadur, hein, fais non, zo agret, ba kier gris, do nos as crampus, ba très malgat, non zaz auberge espagnole ba purud bon hag bon ar zo bekalz blijadur a der rantrou der rantrou mon hein. Pe on kom soaz da zez evenadur neus ke gwal bezo a bet ba lise la nuen hein, concours strolad ou videreyaung ve gred bepla ya hag bon zo bet zo bet kalz strolad ou o tramen hag bon zez eo amzor de zon vid de zon erez evro ma peson. War da chen ur brezondek, kalz la bour vegret gant ur gevridig eus henton ive ba bea, ma trezen peus klevet war RKB in tramnen eus gegwal bezo, hag bon kar adin e un dra vad a peus vegret gante, bromen ve laket gante war roedad la bour n'en begret, hag bon zezo mod, an dra el zo moa c'hoant de l'ar droaz neus ket boal bezo a begret o an em vod gant tout de skolaj ou deus kreiz ur vro am ba gourin gant bugal eo kanan hag o sapre la bo zo begret gant te bugal e breiz ya me bro vila gale kreiz breiz ya hag videchu i war dach en zevenadur prestig vo redad hag evel just vid an brezhonek hag bon tremen rei bavro am de nons ya bodre med bon an dravad evel just hein. Bon c'est tu même gren on tamp tro de speso neve bavro hag ben ur vegel volar a vras